Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 46. De la folie, opposée à la sagesse. La folie, opposée au don de sagesse, est un péché. Sa source est dans la luxure. 1. La folie est-elle opposée à la sagesse? La sagesse est l'état d'un homme qui possède un jugement subtil et pénétrant, elle a pour contraire la folie, qui dénote un cœur émoussé et un sens hébété. 2. La folie est-elle un péché? Lorsque la folie est la suite d'une maladie naturelle, comme chez les aliénés, elle n'est point un péché, mais celle qui provient des jouissances matérielles où l'on ensevelit ses sens, et dont parle l'apôtre, quand il dit « L'homme animal ne perçoit pas ce qui est de Dieu ». 1 Corinthiens 11, 14, en est certainement un. On se rend par une telle conduite incapable de percevoir les choses divines, et l'on devient semblable à un homme dont le goût, altéré par une humeur mauvaise, ne trouve plus de saveur au mel et plus doux. Note. On nous dira que personne ne veut directement courir la folie, nous ne le nions point. Mais on veut ce qui l'amène, et cela suffit. Le luxurieux lui-même veut-il directement le péché? Non, mais il veut le plaisir dont le péché est nécessairement inséparable, il est néanmoins coupable du péché de luxure. La folie est opposée aux préceptes qui nous prescrivent de contempler la vérité. Fin de la note. 3. La folie vient-elle de la luxure? Rien ne conduit plus promptement à l'extinction du sens spirituel, c'est-à-dire à la folie, que la luxure, qui, livrant l'âme à des plaisirs très sensibles, l'absorbe complètement dans la matière. La folie en vient tout particulièrement, aussi le dégoût de Dieu et de ses dons, la haine même de Dieu et le désespoir à l'égard des biens futurs, lui appartiennent en propre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.